Psaume 119. Aleph. Bienheureux sont ceux qui sont intègres en leur voie, qui marchent en la loi de l'Éternel. Bienheureux sont ceux qui gardent ses témoignages, et qui le cherchent de tout leur cœur. Qui aussi ne font point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as donné tes commandements, afin qu'on les garde soigneusement. Qu'il te plaise, ô Dieu, que mes voies soient bien dressées, pour garder tes statuts. Et je ne rougirai point de honte, quand je regarderai à tous tes commandements. Je te célébrerai avec droiture de cœur, quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne me délaisse point entièrement. Bête. 9. Par quel moyen le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. 10. Je t'ai recherché de tout mon cœur, ne me fais point fourvoyer de tes commandements. 11. J'essaierai ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point contre toi. 12. Éternel, tu as béni, enseigne-moi tes statuts. 13. J'ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. 14. Je me suis réjoui dans le chemin de tes témoignages, comme si j'eusse eu toutes les richesses du monde. 15. Je m'entretiendrai de tes commandements, et je regarderai à tes sentiers. 16. Je prends plaisir à tes statuts, et je n'oublierai point tes paroles. Guimel. 17. Fais ce bien à ton serviteur, que je vive, et je garderai ta parole. 18. Dessille mes yeux, afin que je regarde aux merveilles de ta loi. 19. Je suis voyageur en la terre, ne cache point de moi tes commandements. 20. Mon âme est toute embrasée de l'affection qu'elle a de tout temps pour tes ordonnances. 21. Tu as rudement tensé les orgueilleux maudits, qui se détournent de tes commandements. 22. Ôte de dessus moi l'opprobre et le mépris, car j'ai gardé tes témoignages. 23. Même les principaux se sont assis et ont parlé contre moi, pendant que ton serviteur s'entretenait de tes statuts. 24. Aussi tes témoignages sont mes plaisirs, et les gens de mon conseil. Dalet. 25. Mon âme est attachée à la poudre, fais-moi revivre selon ta parole. 26. Je t'ai déclaré au long mes voies, et tu m'as répondu, enseigne-moi tes statuts. 27. Fais-moi entendre la voix de tes commandements, et je discourrai de tes merveilles. 28. Mon âme s'est fondue d'ennui, relève-moi selon tes paroles. 29. Éloigne de moi la voix du mensonge, et me donne gratuitement ta loi. 30. J'ai choisi la voie de la vérité, et je me suis proposé tes ordonnances. 31. J'ai été attaché à tes témoignages, ô Éternel, ne me fais point rougir de honte. 32. Je courrai par la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large. 33. Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts, et je la garderai jusqu'au bout. 34. Donne-moi de l'intelligence, je garderai ta loi, et je l'observerai de tout mon cœur. 35. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. 36. Incline mon cœur à tes témoignages, et non point au gain des honnêtes. 37. Détourne mes yeux qu'ils ne regardent à la vanité, fais-moi revivre par le moyen de tes voies. 38. Ratifie ta parole à ton serviteur, qui est adonné à ta crainte. 39. Ôte mon opprobre, lequel j'ai craint, car tes ordonnances sont bonnes. 40. Voici, je suis affectionné à tes commandements, fais-moi revivre par ta justice. Vaux. 41. Et que tes faveurs viennent sur moi, ô Éternel, et ta délivrance aussi, selon ta parole. 42. Afin que j'aie de quoi répondre à celui qui me charge d'opprobre, car j'ai mis ma confiance en ta parole. 43. Et n'arrache point de ma bouche la parole de vérité, car je me suis attendu à tes ordonnances. 44. Je garderai continuellement ta loi, à toujours et à perpétuité. 45. Je marcherai au large, parce que j'ai recherché tes commandements. 46. Je parlerai de tes témoignages devant les rois, et je ne rougirai point de honte. 47. Et je prendrai mon plaisir en tes commandements, que j'ai aimés. 48. Même j'étendrai mes mains vers tes commandements, que j'ai aimés, et je m'entretiendrai de tes statuts. 1. 49. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis attendu. 50. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole m'a remis en vie. 51. Les orgueilleux se sont fort moqués de moi, mais je ne me suis point détourné de ta loi. 52. Éternel, je me suis souvenu des jugements d'ancienneté, et je me suis consolé en eux. 53. L'horreur m'a saisi, à cause des méchants qui ont abandonné ta loi. 54. Tes statuts ont été le sujet de mes cantiques, dans la maison où j'y ai demeuré comme voyageur. 55. Éternel, je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, et j'ai gardé ta loi. 56. Cela m'est arrivé parce que je gardais tes commandements. Et. 57. Ô Éternel, j'ai conclu que ma portion était de garder tes paroles. 58. Je t'ai supplié de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta parole. 59. J'ai fait le compte de mes voies, et j'ai rebroussé chemin vers tes témoignages. 60. Je me suis hâté, je n'ai point différé à garder tes commandements. 61. Les troupes des méchants m'ont pillé, mais je n'ai point oublié ta loi. 62. Je me lève à minuit pour te célébrer, à cause des ordonnances de ta justice. 63. Je m'accompagne de tous ceux qui te craignent, et qui gardent tes commandements. 64. Éternel, la terre est pleine de tes faveurs, enseigne-moi tes statuts. Tête. 65. Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur selon ta parole. 66. Enseigne-moi d'avoir bon sens et connaissance, car j'ai ajouté foi à tes commandements. 67. Avant que je fusse affligé, j'allais à travers champs, mais maintenant j'observe ta parole. 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. 69. Les orgueilleux ont forgé des faussetés contre moi, mais je garderai de tout mon cœur tes commandements. 70. Leur cœur est comme figé de graisse, mais moi, je prends plaisir en ta loi. 71. Il m'est bon que j'aie été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. 72. La loi que tu as prononcée de ta bouche, m'est plus précieuse que 1000 piastres d'or ou d'argent. Jo. 73. Tes mains m'ont fait, et façonné, rends-moi entendu, afin que j'apprenne tes commandements. 74. Ceux qui te craignent, me verront et se réjouiront, parce que je me suis attendu à ta parole. 75. Je connais, ô Éternel, que tes ordonnances ne sont que justice, et que tu m'as affligé suivant ta fidélité. 76. Je te prie, que ta miséricorde me console, selon ta parole adressée à ton serviteur. 77. Que tes compassions se répandent sur moi, et je vivrai, car ta loi est tout mon plaisir. 78. Que les orgueilleux rougissent de honte, de ce qu'ils m'ont renversé sans sujet, mais moi, je discourrai de tes commandements. 79. Que ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes témoignages, reviennent vers moi. 80. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne rougisse point de honte. 81. Mon âme s'est consumée en attendant ta délivrance, je me suis attendu à ta parole. 82. Mes yeux se sont défaillis en attendant ta parole, lorsque j'ai dit, « Quand me consoleras-tu ? » 83. Car je suis devenu comme un outre mis à la fumée, et je n'ai point oublié tes statuts. 84. Combien ont à durer les jours de ton serviteur ? Quand jugeras-tu ceux qui me poursuivent ? 85. Les orgueilleux m'ont creusé des fosses, ce qui n'est pas selon ta loi. 86. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans cause, aide-moi. 87. On m'a presque réduit à rien, et mis par terre, mais je n'ai point abandonné tes commandements. 88. Fais-moi revivre selon ta miséricorde, et je garderai le témoignage de ta bouche. La Mède. 89. Ô Éternel, ta parole subsista toujours dans les cieux. 90. Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as établi la terre, et elle demeure ferme. 91. Ces choses subsistent aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te servent. 92. N'eût été que ta loi a été tout mon plaisir, j'eusse déjà péri dans mon affliction. 93. Je n'oublierai jamais tes commandements, car tu m'as fait revivre par eux. 94. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes commandements. 95. Les méchants m'ont attendu pour me faire périr, mais je me suis rendu attentif à tes témoignages. 96. J'ai vu un bout dans toutes les choses les plus parfaites, mais ton commandement est d'une très grande étendue, même. 97. Oh, combien j'aime ta loi, c'est ce dont je m'entretiens tout le jour. 98. Tu m'as rendu plus sage par tes commandements, que ne sont mes ennemis, parce que tes commandements sont toujours avec moi. 99. J'ai surpassé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien. 100. Je suis devenu plus intelligent que les anciens, parce que j'ai observé tes commandements. 101. J'ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie, afin que j'observasse ta parole. 102. Je ne me suis point détourné de tes ordonnances, parce que tu me les as enseignés. 103. Oh, que ta parole a été douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. 104. Je suis devenu intelligent par tes commandements, c'est pourquoi j'ai haï toute voie de mensonge. 9. 105. Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. 106. J'ai juré, et je le tiendrai, d'observer les ordonnances de ta justice. 107. Éternel, je suis extrêmement affligé, fais-moi revivre selon ta parole. 108. Éternel, je te prie, aie pour agréable les oblations volontaires de ma bouche, et enseigne-moi tes ordonnances. 109. Ma vie a été continuellement en danger, toutefois je n'ai point oublié ta loi. 110. Les méchants m'ont tendu des pièges, toutefois je ne me suis point égaré de tes commandements. 111. J'ai pris pour héritage perpétuel tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur. 112. J'ai incliné mon cœur à accomplir toujours tes statuts jusqu'au bout. Sémèche. 113. J'ai eu en haine des pensées diverses, mais j'ai aimé ta loi. 114. Tu es mon asile et mon bouclier, je me suis attendu à ta parole. 115. Méchant, retirez-vous de moi, et je garderai les commandements de mon Dieu. 116. Soutiens-moi suivant ta parole, et je vivrai, et ne me fais point rougir de honte, en me refusant ce que j'espérais. 117. Soutiens-moi, et je serai en sûreté, et j'aurai continuellement les yeux sur tes statuts. 118. Tu as foulé aux pieds tous ceux qui se détournent de tes statuts, car le mensonge est le moyen, dont ils se servent pour tromper. 119. Tu as réduit à néant tous les méchants de la terre, comme n'étant qu'écume, c'est pourquoi j'ai aimé tes témoignages. 120. Ma chair a frémi de la frayeur que j'ai de toi, et j'ai craint tes jugements. À jeun. 121. J'ai exercé jugement et justice, ne m'abandonne point à ceux qui me font tort. 122. Sois le garde de ton serviteur pour son bien, et ne permets pas que je sois opprimé par les orgueilleux. 123. Mes yeux se sont défaillis en attendant ta délivrance et la parole de ta justice. 124. Agis envers ton serviteur suivant ta miséricorde, et m'enseigne tes statuts. 125. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent, et je connaîtrai tes témoignages. 126. Il est temps que l'Éternel opère, ils ont aboli ta loi. 127. C'est pourquoi j'ai aimé tes commandements plus que l'or, même plus que le fin or. 128. C'est pourquoi j'ai estimé droit tous les commandements que tu donnes de toutes choses, et j'ai eu en haine toute voie de mensonge. PE. 129. Tes témoignages sont des choses merveilleuses, c'est pourquoi mon âme les a gardés. 130. L'entrée de tes paroles illumine, et donne de l'intelligence simple. 131. J'ai ouvert ma bouche, et j'ai soupiré, car j'ai souhaité tes commandements. 132. Regarde-moi, et aie pitié de moi, selon que tu as ordinairement compassion de ceux qui aiment ton nom. 133. Affermis mes pas sur ta parole, et que l'iniquité n'ait point d'empire sur moi. 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. 135. Fais luire ta face sur ton serviteur, et m'enseigne tes statuts. 136. Mes yeux se sont fondus en ruisseaux d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Sad. 137. Tu es juste, ô Éternel, et droit en tes jugements. 138. Tu as ordonné tes témoignages comme une chose juste, et souverainement ferme. 139. Mon zèle m'a miné, parce que mes adversaires ont oublié tes paroles. 140. Ta parole est souverainement raffinée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. 141. Je suis petit et méprisé, toutefois je n'oublie point tes commandements. 142. Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est la vérité. 143. La détresse et l'angoisse m'avaient rencontré, mais tes commandements sont mes plaisirs. 144. Tes témoignages ne sont que justice à toujours, donne-moi l'intelligence, afin que je vive. Kof. 145. J'ai crié de tout mon cœur, réponds-moi, ô Éternel, et je garderai tes statuts. 146. J'ai crié vers toi, sauve-moi, afin que j'observe tes témoignages. 147. J'ai prévenu le point du jour, et j'ai crié, je me suis attendu à ta parole. 148. Mes yeux ont prévenu l'éveil de la nuit pour méditer la parole. 149. Écoute ma voix selon ta miséricorde, ô Éternel, fais-moi revivre selon ton ordonnance. 150. Ceux qui sont adonnés à des machinations, se sont approchés de moi, et ils se sont éloignés de ta loi. 151. Éternel, tu es aussi près de moi, et tous tes commandements ne sont que vérité. 152. J'ai connu dès longtemps touchant tes témoignages, que tu les as fondés pour toujours. Rèche. 153. Regarde mon affliction, et m'en retire, car je n'ai point oublié ta loi. 154. Soutiens ma cause, et me rachète, fais-moi revivre suivant ta parole. 155. La délivrance est loin des méchants, parce qu'ils n'ont point recherché tes statuts. 156. Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel, fais-moi revivre selon tes ordonnances. 157. Ceux qui me persécutent et qui me pressent, sont en grand nombre, toutefois je ne me suis point détourné de tes témoignages. 158. J'ai jeté les yeux sur les perfides, et j'ai été rempli de tristesse de ce qu'ils n'observaient point ta parole. 159. Regarde combien j'ai aimé tes commandements, Éternel, fais-moi revivre selon ta miséricorde. 160. Le principal point de ta parole est la vérité, et toute l'ordonnance de ta justice est à toujours. Saint. 161. Les principaux du peuple m'ont persécuté sans sujet, mais mon cœur a été effrayé à cause de ta parole. 162. Je me réjouis de ta parole, comme ferait celui qui aurait trouvé un grand butin. 163. J'ai eu en haine et en abomination le mensonge, j'ai aimé ta loi. 164. Cette fois le jour je te loue à cause des ordonnances de ta justice. 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. 166. Éternel, j'ai espéré en ta délivrance, et j'ai fait tes commandements. 167. Mon âme a observé tes témoignages, et je les ai souverainement aimés. 168. J'ai observé tes commandements et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Tô. 169. Éternel, que mon cri approche de ta présence, rends-moi intelligent selon ta parole. 170. Que ma supplication vienne devant toi, délivre-moi selon ta parole. 171. Mes lèvres publieront ta louange, quand tu m'auras enseigné tes statuts. 172. Ma langue ne s'entretiendra que de ta parole, parce que tous tes commandements ne sont que justice. 173. Que ta main me soit en aide, parce que j'ai choisi tes commandements. 174. Éternel, j'ai souhaité ta délivrance, et ta loi est tout mon plaisir. 175. Que mon âme vive, afin qu'elle te loue, et fais que tes ordonnances me soient en aide. 176. J'ai été égaré comme la brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'ai point mis en oubli tes commandements.